إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue donc les cours d'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, expliqué par, on avait dit que c'était pas vraiment un charh comme l'a dit notre cheikh Falah Ismail, que c'était des ta'liqat plutôt, des annotations que cheikh Rabi' avait fait dans une daura, dans une conférence. Et on est arrivé au point concernant l'étude de la descente de Isa alayhi salam. Nuzul Isa alayhi salam. Donc l'imam Ahmed rahimahullah il dit, قال l'imam المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. Donc c'est un nouveau chapitre, comme on l'a dit, concernant la descente de Jésus, de Isa عليه السلام. Et l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit et on a encore une fois, on répète c'est quoi le et, c'est-à-dire que fait partie des fondements de la sunna, le fait de croire à ce point-là, la descente de Isa, de Jésus عليه السلام. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois « et », c'est-à-dire les fondements de la sunna sont chez nous. Et puis depuis le début, on rapporte fondement par fondement jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce fondement-ci. Et donc il dit l'imam Ahmed rahimahullah « et que Jésus, le fils de Marie, descendra et le tuera à la porte de l'Oud ». On va voir, inshallah, dans un instant, c'est quoi la porte de l'Oud et c'est qui le. Pour les frères qui étaient là au cours précédent, ben, ils devraient avoir la réponse, c'est qui? C'est le Dajjal. Hein, le Messie. Ad-Dajjal, le faux messie. Hein, et vous connaissez sûrement le mot en arabe, Ad-Dajjal. Hein, c'est quoi? Le mensonge, naam sahih. Ad-Dajjal. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Ad-Dajjal, le menteur, l'imposteur. Je vous donne déjà un petit point concernant le bab de l'Oud. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit en Riyad Salihin, il dit que c'est en Palestine. Et que c'est une région qui est connue actuellement. D'accord? Hein? Qui s'appelle Loud. Et donc il a dit Bibabi Loud, c'est-à-dire à la porte de Loud. Maintenant on va voir l'explication de Cheikh Rabi' de ce chapitre-ci. Et il dit Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, Hada waridun fil ahadith al-sahiha wa fi sahih muslimin annahu yanzilu Isa alayhi salatu wassalam yadayhi ala katifay malakayn بين مهرودتين يعني الحلة المسبوغة بالزعفران والورس واضع كفيه على كتفي ملكين من الملائكة وينزل بالمنارة الشرقية بدمشق ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله بارك الله فيكم. Donc qu'est-ce que Cheikh Rabi' nous dit, حفظه الله تعالى. Il dit que ceci a été rapporté dans les hadiths authentiques, par évidemment de la descente d'Isa alayhi salam. Et c'est dans l'authentique de Muslim, je vous donne la référence, numéro 2937, que Jésus, Isa alayhi salam, descendra avec les deux mains sur les épaules de deux anges. Il a dit ici, « Yadayhi ala katifay malakayn, bayna mahroudatayn ». On va voir dans un instant c'est quoi le mot « mahrouda ». Donc il dit, Cheikh Rabi' hafidahullah, que Jésus descendra avec les deux mains sur les épaules de deux anges entre deux mahrouda. Ou si vous voulez, mahroudatayn, et c'est le muthanna de mahrouda. Et mahrouda, c'est quoi? Eh bien, c'est le vêtement teint avec du safran. Et ce qu'on appelle en français, alors je vous le traduis comme c'est, hein, vous me dites si ça vous dit quelque chose ou pas, c'est le mémécycle tinctorial, ce qu'on appelle wars. Hein, ce que vous devez retenir, c'est que c'est peint, ou teint plutôt. Le bon mot ici pour un vêtement, c'est teint. D'accord? Hein, parce qu'en arabe, il a dit masbougatayn. Et c'est ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen aussi, de toute façon, rahimahullah. Posant ses deux paumes sur les épaules de deux anges parmi les anges. Et il descendra, alayhi salam, à l'endroit du, ce qu'on appelle en arabe ici, al-Manara al-Sharqiyya bi Dimashq. Alors, des fois, vous trouvez aussi le Manara al-Bayda, c'est-à-dire le minaret blanc, à l'est de Damas, que vous connaissez sûrement. Puis se dirigera vers les musulmans, puis se dirigera afin de tuer le Dajjal et le tuera. Et puis, Cheikh, il dit qu'Allah vous bénisse. Pour les frères qui écoutent, et les sœurs qui écoutent souvent Cheikh Rabi', ils savent qu'il, hein, c'est une phrase qu'il répète souvent, une doa qu'il fait souvent aux frères à qui il parle, aux gens à qui il s'adresse. Toujours, il dit hein, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum, Barakallahu fik. Hein. C'est parmi le bon enseignement de Cheikh Rabi' qu'il fasse doa à celui à qui il s'adresse. Donc, Cheikh Rabi', il continue en disant Fa yusallatu. هذا المسيح النبي الرسول عليه السلام على المسيح الدجال وتسمية عيسى بالمسيح من السياحة. Et ça, on avait déjà parlé un peu du fait du mot Messie, d'où il vient le mot Messie. Et comme les ulama ils disent, comme Cheikh Saleh Ali Cheikh, par exemple, dans شرح العقيدة الطحاوية, il dit que le Messie, الدجال, le Messie, عيسى, qui اشتركا, c'est quoi dans في الاسم, ولكن pas dans le معنى. Hein? On avait déjà vu ça dans le cours précédent. Et on va voir peut-être d'autres paroles des savants aujourd'hui, inshallah, à ce niveau-là. Yarhamakallah. Donc je répète, wa tasmiyatu Isa alayhi salam bil masih min as-siyaha. On va comprendre ce que ça veut dire dans un instant, inshallah. Wa tasmiyatu ad-dajjal li'an 'aynahu mamsuhatun wa Isa nabiyyun rasulun alayhi salam wa dhaka ya'ni ad-dajjal kadhibun dajjalun. هذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلكه الله على يديه. Donc qu'est-ce que Cheikh Rabi' hafidahullah il nous dit aussi toujours en guise d'explication de cette partie des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah, il dit ce messie prophète, il parle de Isa alayhi salam, est donc envoyé au faux messie ad-dajjal. Et comme vous l'entendez déjà en français, on appelle le messie Isa est le Messie, ou le faux Messie, qui est le Dajjal. Donc vous comprenez bien qu'ici, il y a le même mot qui est utilisé, mais c'est deux sens différents. Je vous avais déjà rapporté une parole du Cheikh Al-Uthaymeen la semaine passée dans Sharh Kitab al-Tawhid, Al-Qawl Mufid. Il disait que le Messie, il vient avec le wazn de fa'il, c'est-à-dire Masih, et c'est le cas de qui? De Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam, hein, il passait sa main sur les gens malades, et bi'idnillah, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il... Hein, il guérissait. Donc, Masih, hein, qui essuie littéralement de sa main. D'accord ? Et le Masih, le Dajjal, c'est à la wazn mamsouh. À la wazn maf'oul, mamsouh. C'est-à-dire quoi ? C'est mamsouh l'ayn. C'est-à-dire qu'il est borgne. Et Cheikh Rabi' ici, il nous dit autre chose. Il dit quoi ? Il dit l'appellation de Jésus par Messie, Masih, vient de As-Siyaha. Hein, et j'ai un peu cherché sur les paroles des savants. Et le comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite, ils disent qu'il était appelé comme cela, parce que les ulama, ils sont souvent, la question leur est souvent posée, pourquoi est-ce qu'on dit Masih Dajjal et pourquoi est-ce qu'on dit Masih Isa? Alors les jnad da'ima, ils ont répondu en disant que Al-Masih Isa, on parle d'Isa ici, alayhi salam, ça vient de Siyaha. Pourquoi? Parce qu'il se déplaçait beaucoup sur terre pour appeler à la religion d'Allah. Si vous voulez, siyaha, il ne faut pas traduire ça par tourisme ici, évidemment. Ici, siyaha, c'est quoi? C'est pérégrination, le fait de beaucoup bouger sur terre. Et vous voyez que la réponse de l'ajnad da'ima, elle est claire. C'est par rapport au fait qu'il se déplaçait beaucoup sur terre pour appeler à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, alayhi salatu wassalam. Et l'appellation de Dajjal par Messie, alaykum salam, Messie, car il est aynuhu mamsouha, comme on a déjà dit. C'est-à-dire que son œil est effacé, c'est-à-dire qu'il est borgne. Alors, je vous ai rapporté ici une parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh dans Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya. Il dit Messie, fa'il, bimana, maf'oul. Il parle de qui ici? Ad-Dajjal, Messie, Ad-Dajjal, ahsantum. L'annahu mamsouh al-ayn al-yusra. Alors, la semaine passée, je vous avais posé une question. Vous avez dit qu'il même sur l'œil, il est borgne. Je vous avais dit de quel œil il est borgne. Et je pense que c'est toi, Ali, qui avait dit l'œil. Tu avais dit quoi la semaine passée? Ouais. T'as pas dit le contraire? Moi j'avais dit droit. Et je pense que toi t'avais dit gauche. Hein? À la Koulihal, je me suis intéressé un peu, regardé après, et apparemment j'ai trouvé les deux en fait chez les Machaires. J'ai téléphoné à Cheikh Falah Ismaël aujourd'hui et j'ai pas eu de réponse à ce niveau-là, donc on va devoir chercher plus en longueur, Inch'Allah. Mais je vous lis déjà la parole de Cheikh Salih Ali Shir. فاعل بمعنى مفعول لأنه ممسوح العين اليسرى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية يعني بالية يعني إحدى العينين غير موجودة. Donc je vous traduis l'explication ici de Cheikh Salih Ali Cheikh vis-à-vis de ce point-là. Il dit, dans son explication de la croyance de Tahawiyya, fa'il, c'est-à-dire Masih, al-Wazn fa'il, avec le sens de maf'oul, c'est-à-dire que son œil gauche, c'est ce que dit Cheikh Salih Ali Cheikh, est effacé et que son autre œil est comme un raisin, c'est-à-dire qu'il est aveugle. C'est-à-dire l'un de ses yeux n'est pas là, et donc il est borgne. Hein? Donc ici, on a dit quoi? Que Jésus est un messager et un prophète, alayhi salatu salam, et l'autre, Ad-Dajjal, c'est un menteur, imposteur. Hein? Donc je vous ai dit que je n'ai pas encore la réponse par rapport à l'Ain al-Yusra et l'Ain al-Yumna. Inch'Allah, on continuera. J'ai téléphoné à pas mal de mashaykh aujourd'hui. J'ai téléphoné à Cheikh Aoubé, j'ai téléphoné à Cheikh Khalid Abou Abla'ala. J'en ai eu quelques-uns, mais... Ils étaient soit occupés au téléphone à donner cours, soit ils m'ont donné rendez-vous un peu plus tard et je n'ai pas réussi à les revoir. À la kouli hal, on continuera et dès que j'ai la réponse, je vous la donnerai, Inch'Allah ta'ala. Fikum barakallah. Cheikh, il continue en disant celui-là, est le Messie imposteur. Il fait référence à qui? Ad-Dajjal. Et l'autre, le Messie, Jésus, le fils de Marie, Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala donc fera périr le Dajjal par les mains du Messie Jésus, le fils de Marie. Et je vous recommande vivement de regarder un peu l'histoire, ou plutôt ce que les ulama disent par rapport à la descente de Isa alayhi salam et ce qui va se passer avec le dégel. C'est très très intéressant. Hein? Notamment la réaction du dégel quand il va voir Isa alayhi salam. Et qu'est-ce qui va se passer? Que Isa alayhi salam, il va le... Non, mais avant de ça, il va d'abord le poursuivre. Jusqu'à ce qu'il va arriver où? Hein? Non. Il y en a qui suivent. Hein? Qui va l'arriver à Babloud, qui se trouve où? En Palestine. Et on a dit qu'il allait descendre où, Issa, alayhi salam? Non, à Damas. Donc, le shir dit, Allah donc fera périr le Dajjal par les mains du Messie, Jésus, le fils de Marie. Puis le shir dit, « Fa'ba'da qatlihi ya'ti ya'juj wa ma'juj » فينحاز عيسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور ثم يرغب إلى الله عيسى إلى الله عيسى وأصحابه ثم يرغب إلى الله عيسى وأصحابه في ضم عيسى عيسى فاعل نمسي الضمة المقدرة عيسى وأصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى على هؤلاء فيهلكمه الله تبارك وتعالى فتنتن الأرض منهم فيدعون الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم إلى ما شاء الله فترميهم وينزل الله مطرا غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة ثم يمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة تكفي الفئام من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس ويبارك الله في الرسل يعني اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس وحتى إن اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس واللقحة من الماعز تكفي البطن من الناس بركة من الله سبحانه وتعالى. Donc Cheikh Rabi Hafidhahullah, il continue en disant que après l'avoir tué, c'est-à-dire après avoir tué le Dajjal, apparaîtront Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj. Et Allah subhanahu wa ta'ala les fera périr. La terre sentira alors mauvais, hein, à cause d'eux. Et Jésus et ses compagnons invoqueront alors Allah, qui enverra des oiseaux connus, ou pardon, comme des coups de chameau, qui alors les porteront où Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, et les y jetteront. Et Allah fera descendre une pluie abondante qui laissera la terre lisse comme un miroir propre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'Isa alayhi salam et les croyants qui seront avec lui, ils vont se réfugier sur quoi? Hein? Une montagne qui s'appelle comment? Je l'ai déjà dit ça ou pas? Jabal al-Tur. Et ils vont s'orienter vers Allah, ce qu'il faut comprendre ici. Fayarghabu in Allah, ay yad'un Allah tabaraka wa ta'ala, lui et ses compagnons, contre Ya'juj et Ma'juj. Et Allah les fera périr. Puis après, ce qui va se passer, c'est que, mais comme ils sont, ils ont été détruits, c'est que la terre sentira leur mauvais à cause d'eux. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ils vont encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah enverra à ce moment-là des oiseaux connus comme des coups de chameau qui alors les porteront où Allah le veut et les y jetteront. Et Allah fera descendre une pluie abondante qui laissera la terre lisse comme un miroir propre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera alors que les bénédictions sortent de la terre. La grenade, le fruit de la grenade, Ar-Rumman, suffira alors à un groupe de personnes. Lifi amin minan nas. Et un groupe de personnes pourra se mettre sous son ombre. Et Allah bénira le lait à tel point que la chamelle laitière suffira à un groupe de personnes. Et à tel point que la vache laitière suffira à beaucoup de gens, les kathir minan nas. Et à tel point que la chèvre laitière suffira à une fraction d'une tribu. C'est pour ça qu'ici le mot batn, batn minan nas, évidemment ce n'est pas le ventre de gens ici, c'est un autre sens du mot batn, c'est-à-dire une fraction d'une tribu. Une bénédiction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Rabi Hafidhullah, il termine ce chapitre en disant: ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا الى قوم عيسى طيبه فيموتون ثم ياتي بعد ذلك شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعه وهذه من علامات الساعه الكبرى منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى عليه السلام ومنها خروج الدابه ومنها طلوع الشمس من مغربها وهذه كلها تقع وهي من الايات الكبرى. Donc pour terminer ce chapitre concernant, évidemment c'est de manière très très résumée ici, concernant la descente d'Isa alayhi salam, Cheikh il dit, Allah enverra ensuite un bon vent, rih tayyiba, au peuple de Jésus d'Isa alayhi salam, qui mourront alors. Puis après viendront les pires des gens, qui s'accoupleront comme les ânes le font. Alors ici c'est le verbe en arabe qui dit quoi? Yataharajuna katahharujil humur. Et quand vous regardez dans Nihayat ibn al-Athir fi Gharib al-Hadith, il dit yataharajun bi ma'na yatasafadun. Et c'est le fait de s'accoupler. Et les Arabes, ils utilisent différents termes pour le mot accoupler en français en fonction des différents animaux. Ou bien de l'être humain par exemple, d'accord? Et ici, c'est pour ça que on a traduit ça comme ça, en fait, c'est qu'ils s'accouplent comme s'accouplent les ânes. Wa la'adhu billah. Et comme j'ai posé la question à Cheikh Falah aujourd'hui, il a dit à ce niveau-là, il a dit, c'est-à-dire qu'il y a que tout le fasad ou le foujour, que la perversion et la corruption, elle va être répandue à ce moment-là. Donc on a dit quoi? Je répète ce point-là. Allah enverra ensuite un bon vent au peuple de Jésus qui mourront alors, puis après viendront les pires des gens qui s'accoupleront comme les ânes le font. Et c'est sur eux que l'heure arrivera. Wal'iyadhu billah. Ceci fait partie des grands signes de l'heure. Parmi ces signes, Cheikh il en cite quelques-uns, eh bien la sortie du Dajjal, on en a déjà parlé dans le cours précédent, la descente de Jésus, alayhi salam, dont on a parlé aujourd'hui, la sortie de ce qu'on appelle en arabe Ad-Dabba, qu'on traduit en général par la bête, le lever du soleil à l'ouest, tout cela va arriver et fait partie des grands signes précurseurs. Chapitre suivant, والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'attache à étudier la foi et ce qui concerne l'Iman et qui a pour titre et la foi est parole et acte, et elle augmente et elle diminue. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, dans ses fondements de la sunna, on est toujours dans le cadre de ce livre-là, il dit « et », encore une fois, « et » fait partie des fondements de la sunna, « et » la foi, « et ». « Et » parole et acte. Elle augmente, cette foi, et diminue, comme cela a été rapporté dans le khabar, dans le texte, le hadith, « le plus complet des croyants en termes de foi et le meilleur d'entre eux en termes de comportement, d'accord? Là, on voit bien que, évidemment, que l'iman, il monte il augmente et il descend. Rapporté par Abu Daoud, numéro 4682 et Tirmidhi, numéro 1162. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit « Hasanun sahih », c'est-à-dire « jugé bon et authentique ». Maintenant, l'explication de Cheikh Rabi' sur ce passage-là, il dit « Fal imanu qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarihi » ou « taqoul al iman qawlun wa amalun wa atiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Hada huwa al imanu inda ahli sunnati wal jama'a. » Donc Cheikh Rabi' Hafidhahullah, il nous dit « La foi est parole et acte, ou action si vous voulez. La parole du cœur et de la langue. Et l'action du cœur et des membres. » Ou si tu veux, tu dis, et après je vous donnerai une définition que l'ulama ils appellent « Khams Nounat hein, », que le Mashiach il rapporte très souvent. Donc il dit « La foi est une parole et acte et croyance. »« Qawlun wa amalun wa atiqad. » Vous pouvez mémoriser ça comme ça aussi. Il y a plusieurs ta'arifs des salafs qui ne se contredisent pas les uns les autres, bien sûr. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Alors je vous donne maintenant ce qu'on appelle Khams Nounat. Hein, essayez de la retenir, peut-être les enfants ils peuvent essayer, et même les adultes essayer de la mémoriser s'ils ne la connaissent pas. C'est... qui la connaît ? Avec un peu d'interactivité avant que... Hein ? Vas-y, wahda wahda, comme ils disent. Hein ? Qawlun billisan. Il n'y a pas un noun à la fin ici. Comptez avec moi les nouns. Vous êtes avec moi ou là là hein, hein? Qawlun billisan. Ça c'est le premier noun. Qawlun billisan, c'est-à-dire quoi? Parole de la langue. Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Qawlun billisan. Allez, continuez, deuxième. Etiqadun biljanan. Deuxième noun. Donc, qawlun billisan wa etiqadun biljanan. C'est-à-dire une croyance du cœur. Troisièmement, wa amalun bil arkan. Hein, le troisième noun. Donc je répète les trois. Le premier ici, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Maintenant il reste les deux qui sont en fait ziyada wa nuqsan. C'est quoi? Yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. C'est la même chose que tu dis. Hein? D'accord? Donc je répète, on répète ensemble. Que les frères qui ne la connaissent pas, ils essaient de répéter avec les autres. Hein? Ouais, qu'il y a un peu de... La faïda en vérité ici, c'est qu'on mémorise ce genre de ta'arif aussi. Hein? Alhamdulillah, je veux dire, si quelqu'un veut qu'on lui écrive et qu'il veut l'étudier, si on est à la maison, ou bien qu'il peut la retrouver à la maison, ce n'est pas un problème. Mais si on peut la retenir ce soir, je ne pense pas que c'est très difficile à retenir. On y va, allez-y. Hein? Les enfants à l'école, ils ont plus de... De répondant, il part directement. Hein, il n'y a pas de haya dans l'ilm. Hein. C'est interdit dans l'ilm. Hmm? C'est interdit. Hein. Faut pas hachem. Non, je regarde personne là. C'est pour ça que tu as vu que mes yeux partent de droite à gauche pour que personne ne se sente mal. Qawlun bil lisan. Wa atiqadun bil janan. Wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'ati ar-rahman. Yanqusu bi ta'ati. Le shaitan. Les enfants, vous voulez essayer? Vous voulez essayer ou pas? Tu veux essayer? Tu veux dire? Tu répètes après moi? Vous répétez après moi? Hein? Ah, si les enfants ils disent non, alors là, hein? Tu veux essayer? Oui. Ah voilà, machallah, lui il veut essayer. Hein? Ah, les enfants et les grands-enfants aussi, s'ils veulent répéter. Hein? Qawlun billisan. Qawlun billisan. Wa i'tiqadun biljanan. وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. يعني que les parents ils essaient de faire mémoriser ça à leurs enfants. C'est très important que nos enfants ils grandissent avec la croyance des salaf. Alhamdulillah. يعني cette semaine-ci on a rajouté un article, je sais pas si vous l'avez vu, sur un écrit sur notre site, un PDF qui est sur l'éducation des enfants. C'est un cours qui a été donné par le grand savant, l'éminent savant, rahimahullah, Abdullah ibn Mohamed ibn Humeid, rahimahullah, qui est mort il y a 31 ans d'ici et qui était un des imams de l'Haram al-Mekki. Hmm? Et il a un grand livre, enfin, il y a un livre à lui en tout cas, de ses cours et de ses fatwas qui a été publié, qui s'appelle Fatawa wa Durus, l'Allama Abdullah ibn Muhammad ibn Humayd, rahimahullah. C'est des durus dans le haram le Mekki en fait, qui fait presque 1000 pages. Et il y a une partie, il y a un cours qui est sur l'éducation des enfants, on l'a traduit, il est disponible maintenant sur notre site. Et il fait une excellente nasiha, en fait, il part du verset du Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu'un anfusakum ahlikum nara. Hein, l'ayah. Donc c'est important qu'on fasse étudier la croyance des gens de la Sunna al-Jama'a, la croyance des salafs, déjà qu'on l'étudie nous-mêmes et qu'on l'apprenne à nos enfants, qui grandissent avec. Hein, et je vous assure que les enfants, ils mémorisent très très facilement, et plus jeune, là, à un plus jeune âge que ce que vous croyez. Hein. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié par le fils de Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, que Allah le préserve lui son père, et qui est en fait une méthodologie, et qu'on va bientôt avoir pour l'école, inshallah. Parce qu'on se met en contact pour eux, pour qu'on l'ait à l'école. En fait, c'est une méthodologie pour mémoriser le hadith, et c'est à partir de 3 ans. C'est 3 à 11 ans, et à 11 ans, ils connaissent 600 hadiths. Plus ou moins, j'ai regardé un peu, c'est 60 hadiths par an. Évidemment, c'est fait en fonction, c'est très pédagogique, c'est-à-dire que à 3 ans, c'est les plus courts, évidemment, et avec les termes les plus faciles, des hadiths de quelques mots. Donc vous voyez qu'un enfant, et c'est vrai, un autre avec les enfants, vous serez étonné. Il y a des enfants à Salafi School, ils ont 8 ans, ils étudient l'Amiya d'Ibn Taymiyyah. En 2-3 séances, ils la connaissent, c'est 16 lignes. Hein. Donc vous voyez, Annie, c'est les enfants, il faut leur donner à mémoriser. Hein. Évidemment, il faut leur expliquer aussi, mais il faut leur donner à mémoriser parce qu'ils prennent très très rapidement. D'accord. Et un très jeune âge déjà. Leur faire étudier ce genre de définition, leur faire étudier le Coran bien sûr en premier, leur faire étudier la Sunna. Hein. Et l'ilm, c'est ce que tu prends avec toi à l'hammam, c'est ce que tu prends avec toi aux toilettes, parce que quand tu vas aux toilettes, tu ne prends pas avec toi les livres. D'accord. C'est ce que les salafis disaient, c'est-à-dire c'est ce que tu as dans ta poitrine, c'est ce que tu connais par cœur. Hein? Al-hifd. Ma'al fahm, bien sûr. Ala kulli hal. Donc, je répète encore une dernière fois cette définition parce qu'elle est tellement importante. Et les ulama, ils la rapportent très très souvent dans leurs cours. Et les tulab al-ilm, ils la connaissent, même les débutants, ils la connaissent. C'est qawlun billi al-iman. Et c'est, qui termine par un noun d'ailleurs aussi, al-iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. On continue le cours. Et donc, je répète ces définitions d'Ahl Sunnah al-Jama'a qu'il a donné, la foi est parole et action. La parole du cœur et de la langue et l'action du cœur et des membres. Où tu dis, la foi est parole et acte et croyance. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. C'est cela la foi chez les gens de la sunna et du consensus. Encore une fois, c'est parmi les choses par lesquelles se distinguent les gens de la sunna par rapport aux autres. C'est leur définition et leur croyance concernant c'est quoi l'iman. Et Cheikh il dit ويشاركهم الخوارج في ان الايمان قول وعمل واعتقاد ولكن عندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص لانه بمجرد ما يرتكب المسلم الكبيرة يخرج من الاسلام يقابلهم المرجئة الايمان هو التصديق صديق الايمان عند المرجئة هو التصديق تصديق بالقلب فقط او المعرفة كما عند الجهمية او تصديق بالقلب comme عند غلاة المرجئة. Évidemment, il y a différents types de murji'a, c'est ça que le cheikh essaie de nous faire comprendre ici. Il dit, les khawarij partagent avec eux, avec qui les gens de la sunna, le fait que la foi est parole et action et croyance. Évidemment, il y a une différence, parce que les gens de la sunna, ce n'est pas des khawarij. La différence, elle réside dans le fait que, pour eux, c'est-à-dire les khawarij, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Car dès qu'un musulman commet un grand péché, il sort de l'islam pour eux. Parce que pour eux, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est pas comme les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Que quand un croyant fait un péché, eh bien que son iman il diminue en fonction de son péché, mais qu'il est toujours croyant. Et quand je parle péché, je ne parle pas de nawaqid l'islam ici. Hein. On parle de quoi? De kaba'ir dhunub. Les ulama ils disent « Mu'minun bi'imanihi fasiqun » Bikabiratihi. C'est-à-dire qu'il est croyant de sa croyance, parce que la croyance elle est toujours là, mais il est fasiq à cause de son grand péché. Vous suivez ou pas? Tandis que les Khawarij disent que parce qu'il a fait un grand péché, eh bien, tout le bloc de l'Iman, il part. C'est pour ça qu'ils le rendent mécréant, celui qui fait le grand péché, grand Murtakib al-Kabira, kafiran. Ils disent, l'Iman, il part complètement, il sort de l'islam. Il a fait un péché, il est kafir. Il a fait un grand péché, il est kafir. Hein? Et le Cheikh, il va réfuter ça dans un instant, inshallah. Donc je répète cette phrase-là, les Khawarij partagent avec eux le fait que la foi est parole et action et croyance. Mais, pour eux, la foi n'augmente pas et ne diminue pas, car dès qu'un musulman commet un grand péché, il sort de l'islam pour eux. Sont opposés à eux les Murjites. Et si vous étudiez la croyance, l'aqida, vous allez voir qu'en fait, les gens de la sunna sont toujours au milieu, entre deux extrêmes, dans tous les chapitres de la croyance. Hein, et c'est quelque chose qui devrait... Hein, on fortifie notre certitude sur le fait d'être sur la vérité en tant que les gens de l'Ahl Sunnah al-Jama'a, al-Salafiyoun. C'est que quoi? C'est que cette wasatiyya, ce juste milieu, entre toujours deux extrêmes. Regardez les deux extrêmes ici. On a dit l'extrême des Khawarij, celui qui fait un grand péché, c'est quoi? Un kafir, l'iman y part complètement. Et sont opposés à eux les murjites, les murji'a, qui disent que la foi... C'est tasdiq, c'est l'acceptation. De croire avec le cœur, d'accepter avec le cœur. C'est tout. Ou la connaissance, le ma'rifa. Juste le ma'rifa. Hein? Comme le disent les jahmites. Ou croire avec le cœur, comme le disent les extrêmes murjites. Hein? Et chez le murji'a, parmi les jurisconsultes, ce que les ulémas appellent murji'at al-fuqaha, la foi, c'est d'accepter avec le cœur et de dire avec la langue. Mais chez les gens de la sunna, c'est quoi? Encore une fois, regardez les ta'arifs, comment ils vous aident. Qawlun bil lisan, là on a le qawl. Wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan. Parce que chez les gens de la sunna, les actions font partie intégrante de la foi. Attention, ils ont des choubouhat, hein, évidemment. Ils vont dire... الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Regardez le chouha. Ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que le waou taqdi le mughayara. L'amal, c'est pas l'iman. Vous voyez, hein? Ils vont dire que le waou, quand tu dis quelque chose et quelque chose, c'est-à-dire que la deuxième chose est différente de la première. Hein? Le mughayara. Donc quoi? L'amal salih, c'est pas l'iman. Comment vous réfutez ça? Hein, vas-y. J'ai pas entendu, vas-y. C'est franchement, c'est facile à réfuter. Hein? Hein? J'ai toujours pas entendu parce que vous parlez en même temps. Vas-y, lève, vas-y, Jean, vas-y. Et c'est quoi le... Ouais, je l'ai dit de l'aile avec ça. Donc, vas-y, continue ton raisonnement. C'est ce qu'il est en train de dire, il est en train d'essayer de dire aussi. C'est juste, hein? Mais continue. Je veux que tu m'expliques quelque chose, en fait, ici. C'est exactement ce que tu as dit, mais... Les ulama, ils disent que c'est un atf al-khas ala al-am. Hein? C'est-à-dire que... L'iman, il englobe, il comprend les actions. D'accord? Mais en arabe, on a un uslub arabi. Pourquoi? Pour dire que, des fois, que même s'il y a une conjonction de coordination, et ça ne veut pas dire que la deuxième chose est différente de la première, mais c'est pour montrer l'importance de cette deuxième chose. C'est pour ça qu'on la sort de son ensemble. D'accord? Vous suivez ou pas? Hein? D'accord? Donc, il ne faut pas vous laisser avoir des genres de choubouhat. C'est que l'amal salih, il fait partie de l'iman, sans aucun doute. Hmm? Qui sait me donner un dalil du Coran que les actions font partie de la foi? Ou de la sunna? Vas-y, allez, vas-y. Hein? Qu'on va voir dans un instant d'ailleurs. Hein? واش الاستدلال؟ L'istidlal, c'est qu'en fait, il y a les trois catégories de. Il y a trois catégories. Enfin, il y a la parole, et puis il y a l'étiquette, et puis il y a les actions. C'est quoi l'action ici? L'action des membres, tu veux dire? Ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a dit le frère ici, c'est que le hadith, il est clair. L'iman, bid'anou, sab'anou, chaban, on va voir dans un instant d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire bid'anou aussi en langue arabe. Et puis, il fait partie de la foi quoi? Imatatul adha, ani? Ani tariq. C'est une action ou pas? Qu'est-ce qu'il donnait un verset du Coran? Moi, je cherchais un verset. Ah, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Hein? Vas-y. Lis. Et ouais, ça veut dire. Hein? Salatakum. Allah, ici, il appelait quoi? La salah? Iman. Et c'est par rapport à quoi? C'est quoi la raison pour laquelle le verset a été révélé? Hein? Le changement de la qibla, qu'est-ce qui s'est passé? Non? En fait, ils se sont Ils dirigés en étaient en prière ou pas? Ils étaient en prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés en direction de la Mecque. Allahu Akbar. Et après cela, il y en a, ils ont eu quelques doutes à propos de l'acceptation de leur propre prière. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a révélé ce verset. Une faïda aussi par rapport à ce hadith, il y a un dalil sur quelque chose de très important dans l'usul. Kaboul, khabar al-ahad. L'acceptation hein, de l'information d'une personne, d'un rapporteur. C'est juste pour un peu vous dire qu'ils ont des choubouhats. Hein. Mais alhamdoulilah, les ulama, ils réfutent ces choubouhats-là. Donc on est arrivé au point sur sont chez les mourjites, parmi les jurisconsultes, la foi, c'est de croire avec le cœur ou d'accepter avec le cœur et de dire avec la langue. Mais pour eux, les actes ne font pas partie de la foi. Tandis que pour les gens de la sunna, les actes des cœurs et les actes des membres, et je voudrais que vous fassiez attention à ça ici, parce que les cœurs ont des actions, hein, font partie de l'ensemble de la foi. Qui sait me donner un exemple d'acte du cœur? En arabe, si possible. Le khawf, ouais. Le hub. Ces deux-là, le cheikh va les citer dans un instant, Inch'Allah. Il va le citer aussi. Al-Raghba. Al-Raja, il va le citer aussi, Inch'Allah. Hein? Al-Khashiyah. Il ne va pas le citer, mais c'est juste. Hein? Al-Tawakkul, il va le citer aussi. Ouais. On va rester dans le. On va se limiter à ça, Inch'Allah. Donc j'ai dit quoi? Que pour les gens de la sunna, les actes des cœurs et les actes des membres font partie de l'ensemble de la foi après l'acceptation, après le tasdiq. La foi donc englobe, comprend les croyances et les actes ou actions, si vous voulez, des cœurs, comme la crainte d'Allah. Donc, vous avez raison, cher Rabbi, ici de celui-là. Je ne l'ai pas lu en arabe. Hein? On va lire ça, parce que c'est important, Inch'Allah. وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال جوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق. فالإيمان يشمل الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغبة إليه والتوكل. هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان ولا يقوم الإيمان إلا به ولا يكون إلا بها وكذلك أعمال الجوارح من الصوم والصلاة والزكاة وسائر التكاليف الجهاد ومشاكل ذلك حتى إن الأذى يماط من الطريق من الإيمان الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Ici, il a dit « minat tariq ». وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان. Donc on a dit quoi? Que la foi donc englobe, comprend les croyances et les actes des cœurs comme la crainte d'Allah et l'aimer et espérer en lui et le désir et placer la confiance en lui. Ce sont toutes des actions des cœurs et elles font partie du tréfonds de la foi. Hein? Et la foi ne peut être réalisée sans elle et ne peut être considérée comme telle sans elle. Et aussi les actions des membres. Ça, je voudrais que vous reteniez ça. Aussi les actions des membres, comme le jeûne et la prière et la zakat, ainsi que les autres actes d'adoration, le jihad et d'autres, le cheikh il dit. Donc, chez les gens de la sunna, les actes des membres et les actes du cœur font partie intégrante de la foi. Même ôter ce qui peut causer du tort du chemin fait partie de la foi. Et ça, c'est ce que le frère a rapporté tout à l'heure. Alors maintenant, le cheikh il rapporte un hadith qui dit « L'iman bid'un wa sab'un shu'bah, a'laha la ilaha illallah, wa adanaha imatatu l'adha an al-tariq, ou min al-tariq, comme l'a dit ici. » Alors, je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'on traduit en général le bid'a? Bid'un, ce hadith, comment on le traduit en général? Qui connaît la traduction? Comment on les traduit en général? Ma question, elle est précise. Ouais. Vous écoutez des cours en français, vous lisez des cours en français, non? Hein? Comment le hadith, ma question elle est claire, comment le hadith, il est traduit en français? Vous vous souvenez plus? Par rapport sur moi, je veux attirer l'attention sur le chiffre ici. Vous avez un peu le temps ou pas? Parce que Shirley Ethiopie rapporte une page... deux pages, presque trois pages sur le mot bid'a. Et je voulais le résumer, ça va, inchallah. Hein? Il dit dans Sharh al-Sahih Muslim, volume 2, aux éditions d'Arb al-Jawzi, page 24. قال الجامع عفى الله تعالى عنه. Il dit toujours ça sur l'Éthiopie à la fin quand il fait le résumé. Il dit قال الجامع. Un جامع dit l'aqwal. Celui qui a regroupé ses paroles. Qu'Allah lui pardonne, dit, il fait référence à lui-même, bien sûr. قَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَقْوَالِ الْمُحَقِّقِينَ qu'on n'a pas cité. مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْبِضْعَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا donc tu peux dire le bada aussi. عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ سورة يوسف ومراه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكذا رواه الطبري مرفوعا قاله في الفتح والله تعالى أعلم. Donc qu'est-ce que Cheikh l'Éthiopie dit de manière très résumée ici? Il dit que ce qui paraît clair de ce qui a été cité parmi les paroles des muhaqqiqin, c'est-à-dire les, on a posé la question à Cheikh Falah lundi passé par rapport au terme muhaqqiq, c'est ceux qui ont qui vont de manière très profonde dans la recherche avec précision. Hein? Et ce n'est pas un rapport juste l'aqwal comme ça, mais hein, le muhaqqiqin. Parmi les gens de la linguistique, de la langue arabe, les spécialistes de la langue arabe, ils disent que anal bid'a, avec le kasr dans le ba, c'est-à-dire qu'il y a une kasra sous le ba, ou bien le fath, donc les deux sont autorisés. Adadun mubhamun, ça veut dire quoi? Abstrait? Ouais, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que c'est un nombre mubhamun qui n'est pas précisé. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Pourquoi? Muqayyadun bima bayna thalath ila tis'a. C'est un nombre qui n'est pas précisé, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, toi tu as dit entre 3 et 10. Hein? Hein? Il y a certains ulama qui disent 3 et 10. Hein? Mais ici il a dit ma bayna thalath ila tis'a. C'est-à-dire que c'est un nombre qui n'est pas précisé, mais qui est entre 3 et 9. Donc maintenant, le hadith, comment est-ce qu'on le traduirait? Comment est-ce que vous le traduiriez? Al-Iman, bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, wa al-haya'u shu'batun min shu'abil iman. Donc qu'est-ce qu'on va le traduire? Que la foi est composée de... entre 73... et 79 branches, la plus élevée est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse, hein, vous allez voir en fait qu'est-ce que je fais à chaque fois dans les traductions, hein, et le fait de retirer de quelque chose de nuisible du chemin, d'accord, et la foi et la pudeur fait partie de, et une des branches de la foi. Donc on le traduit maintenant de manière officielle si vous voulez, hein. La foi est composée de 73 à 79 branches, dont le plus élevé ou la plus élevée des branches est la ilaha illallah. L'une est en droit d'être adorée à part Allah, c'est la traduction de la ilaha illallah, et la plus basse est de retirer du chemin les choses nuisibles. Et c'est rapporté par un muslim numéro 35. Shir continue en disant, cette foi, elle augmente avec l'obéissance, comme on l'a vu d'Allah, et diminue avec la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Shir dit, il augmente, ou elle augmente cette foi jusqu'à ce qu'elle soit comme les montagnes, et diminue jusqu'à ce qu'elle soit moins que le poids d'un atome de foi. Puis il continue en disant, وَالْمُرْجِعَ عِنْدَهُمْ, on a presque terminé le cours, inshallah. وَالْمُرْجِعَ عِنْدَهُمْ وَالْإِيمَانَ لَا يَزِيدْ وَلَا يَنْقُصْ. Alors déjà, il y a quelque chose qui devrait attirer votre attention ici. On a parlé avant de qui ? Khawarij. Et maintenant, on parle de qui ? Murji'a. Ils se regroupent sur un point ou pas ? Hein ? Naam, t'as dit ou non ? Hein ? Naam. Ben, dis ce que je pense. Hein ? Oui, bien sûr. Naam, c'est quoi ? Qui ? Hein ? Naam. Donc, ici, on parle de Murji'a. Les Murji'a disent que la foi ne diminue pas et n'augmente pas. Or, je vous lis, hein, en arabe aussi, ce qu'il a dit avant par rapport au Mukhawarij, il a dit c'est par rapport au Khawarij qui rejoignent les gens de la Sunna sur un point, c'est ce point-là. Mais, chez eux, chez le Khawarij, l'iman la yazidu wa la yanqus. Et puis il dit sur le Murji'a, le Murji'a, عندهم l'iman la yazidu wa la yanqus. Hein ? On va le voir dans un instant, Charles. Les Murji'a disent que la foi ne diminue pas et n'augmente pas, car la foi n'est que l'acceptation chez eux. Et cela n'accepte pas la diminution. S'il y a une diminution, il n'y a plus de foi. Et la personne sort de l'ensemble de la foi. Suivez ou pas ? Donc, si elle ne diminue pas, mais elle est égale pour tout le monde. Écoutez ce que va dire le cheikh ici. إذا طرأ عليه نقص انتهى وخروج صاحبه من دائرة الإيمان وخرج عفوا صاحبه من دائرة الإيمان فهو لا ينقص لكنه يستوي في هذا الإيمان عنده لا يتفاضل. Ça c'est un تعبير connu chez les ulama, يتفاضل الإيمان. L'iman est différent degré. يتفاضل. يستوي فيه أفجر الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة وهذا ضلال كبير. C'est ça la réponse à ta question. Donc pour eux, c'est quoi chez les Murji'a ? Donc, elle ne diminue pas cette foi, mais elle est égale pour tout le monde, car la foi n'a pas de différents degrés. Le plus pervers et le pire des gens est au même niveau de foi que les prophètes, alayhi salatu salam, et les véridiques et les anges. Mais oui, parce qu'elle ne diminue pas et elle n'augmente pas. Et ceci est un grand égarement, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un grand péché, il a le même iman qu'un prophète ou un véridique pour eux, ou un ange. Tandis que le Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Celui qui fait un grand péché, lui, il n'a plus d'iman, parce qu'il part complètement. Donc si vous voulez, pour le Khawarij, il part complètement, et pour le Murji'a, il reste complètement. Or, chez les gens de la Sunna, et ça, c'est très important de comprendre ça, il fait partie de l'aqida des gens de la, des fondements de l'aqida des gens de la Sunna, du consensus, que quoi que l'iman, hein, et qu'il est de différents degrés. Et Cheikh, il dit, et ceci est un grand égarement de dire que, hein, les gens sont tous au même degré en termes de foi. Puis il parle encore, il dit, « Kama yuqabilhum fi dhalal khawarij, faghulat al-murji'a sharruhum kabir, li'annahum yahdimuna shiri'at al-islam bihadal i'tiqad al-khabif, wal khawarij khubatha, لأنهم يكفرون الأمة، يسلون عليهم السيوف فيستبيحون دماءهم وأموالهم، فمجرد ما يرتكب الكبيرة عندهم زنا سرقة قتل صار كافرا عندهم، وهذا كذب وضلال وسوء فهم. Et après, il va réfuter en fait, en partie en tout cas, cette ambiguïté-là. Il dit donc, sont opposés à eux dans l'égarement, aux Murji'a, sont opposés à qui dans l'égarement? L'autre extrême, c'est qui? Khawarij. Donc aujourd'hui, on a retenu quoi? Que les gens de la Sunna, Al-Salafiyoun, les gens du Hadith, les gens Al-Sunna Al-Jama'a, hein, ils sont dans le juste milieu. Deux extrêmes, les Khawarij et Al-Murji'a. Il dit, les extrêmes mourjites, leur mal est grand, car ils détruisent la législation de l'islam avec cette mauvaise croyance. Et les kharijites sont des scélérats, il dit, le shir. Hein? Khubatha. Hein? Car ils jugent la communauté mécréante et brandissent les épées contre eux, et jugent leur sang et leurs biens licites. Car chez eux, dès qu'un grand péché est commis par quelqu'un, comme par exemple la fornication, le vol, le meurtre, il est alors considéré par eux comme mécréant. Qui se donne un verset du Coran que quand il y a des croyants qui s'entretuent entre eux, ça ne les fait pas sortir de la foi? Ça, c'est un verset que vous devrez connaître. Ah là, je vois des têtes qui hochent. Vas-y, ça, c'est n'importe qui. Hein. Hein? Ah, il a, Inch'Allah. Qui connaît tout le verset? Ah, ça, c'est la fin. فإن فقاتل التي حتى تفيئة إلى أمر الله. دوك الله عز وجل يعني ما يديز الله عز وجل أثبت لهم الإيمان. الله عز وجل a dit qu'ils sont croyants malgré le fait qu'ils s'entretuent entre eux. Est-ce que ça c'est pas parmi les meilleures réfutations contre ces gens-là, le fait de tuer un musulman? C'est pas un grand péché, bien sûr. Mais est-ce que ça te fait sortir de là, hein, de l'islam? Voilà, donc la réponse là, elle est claire. Et c'est ce que le cheikh, il va faire comprendre ici, en fait. Il va dire quoi? Il dit, parce qu'il est considéré celui qui fait la fornication, le vol, le meurtre, il est alors considéré par eux comme mécréant, par le khawarij. Le cheikh, il dit, cela est un mensonge et un égarement et une mauvaise compréhension. Puis il pose une question. Et si quelqu'un vous dit, vous rapporte cette croyance qui est fausse, posez-lui la même question. Il dit, لِمَدَ أَمَرَ اللَّهُ بِإِقَامَةِ الْحُدُودَ عَلَى السَّارِقِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لِمَدَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِإِقَامَةِ الْحُدُودَ عَلَى مَنْ يَشْرُبُ الْخَمْرِ وَذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَشْرُبُ الْخَمْرِ فَأَتَى فَقَالَ أَحَدُهُمْ لَعَنَكَ اللَّهُ مَا أَكْثَرْ مَا يُؤْتَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله مؤمن يقام عليه الحد ويكفر. شيخ الدي يقولون إقامة الحد عليه كفارة له. Hein, on va comprendre ce point dans un instant. Donc si quelqu'un te rapporte cette fausse croyance que celui qui fait un grand péché c'est un kafir, par exemple celui qui vole, tu dis ouais, c'est un kafir. Hein? Il dit même certains awam qui disent ce genre de choses là. Hein? Ouais, il a volé, هذا كفر منافق هذا. Hein? Je vois des sourires, vous avez sûrement entendu ça. Hein? Parce que pour eux, un musulman, il ne peut pas faire des choses comme ça. Hein? هذا المنافق هذا الكافر هذا الا. Hein? Non, mais il faut corriger les gens dans cette croyance-là. Il dit, le cheikh, il pose cette question. Pourquoi Allah a-t-il ordonné que le voleur, la peine légale, soit exécutée sur lui? Puis il rapporte un verset du Coran. Dans la traduction du sens est, le voleur et la voleuse à tous deux coupé la main, une punition de ce qu'ils se sont acquis. En punition, de ce qu'ils se sont acquis. Sourate Al-Ma'ida, verset 38. Donc, Cheikh, il dit, pourquoi Allah ordonne-t-il que les peines légales soient exécutées sur celui qui boit de l'alcool? Puis rapporte un hadith. Hein, une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui buvait de l'alcool, puis vint, et quelqu'un lui dit, qu'Allah te maudisse. Combien de fois es-tu amené? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il lui dit alors, ne le maudis pas. La tal'anhu. Car il aime Allah et son messager. C'est un hadith rapporté par le Bukhari, numéro 6780. Donc c'est, et qu'est-ce qui se passait? Il buvait de l'alcool. Et on lui a dit, quelqu'un l'a maudit, il lui a dit, combien de fois es-tu amené? Et le prophète, il a interdit qu'on le maudisse, et il a dit quoi? Il a dit, ne le maudis pas car il aime Allah et son messager. Cheikh, il dit, un croyant sur lequel l'appel légal est exécuté, et il devient mécréant comme le disent les Khawarij. Hein? C'est pas possible. Ils disent que l'exécution de la peine est pour lui une expiation de ce péché-là. Donc ça, c'est une manière de réfuter le khawarij dans le fait que celui qui fait un grand péché, comme par exemple la fornication, le vol ou boire de l'alcool, eh bien c'est un kafir. Vous le posez cette question-là. Pourquoi alors est-ce qu'on lui, on exécute sur lui les peines légales? Hein? Vas-y, continue. Il y a deux groupes de musulmans qui se combattent. Non, mais je comprends, mais c'est quoi ta question? En sachant qu'on ne pose pas de questions normalement en cours. Non, mais en tout cas, j'en prends note. Et même s'il faut qu'on connaît la réponse, je la donnerai après le cours. Ou bien si je demande à Cheikh Falah, je poserai la question à Cheikh Falah. Hein? Après, je donnerai la réponse. Je connais la réponse, je la donnerai après, Inch'Allah. En fait, c'est comme s'il n'y a pas de questions, c'est comme si je vous motivais à poser des questions. Tu vois. Ben, on t'interpellera après, Inch'Allah. Ça va? Comme ça, s'ils font la note, ils repose la question. Moi, par éducation, pour moi-même et pour les gens, je n'autorise pas les questions dans les cours. Non, mais ça veut dire qu'on peut en prendre note. Et pourquoi? Parce qu'il se peut que je connaisse la réponse. Et il se peut que je ne la connaisse pas. Mais il se peut certainement que je fasse une erreur aussi. Très souvent même, tu vois? Parce qu'on n'a pas le niveau de répondre aux questions. Donc, par sécurité pour moi et par éducation pour les gens aussi. Je n'aurai jamais à poser des questions dans les cours. D'ailleurs, Allah Alim, vous ne m'avez jamais vu faire ça, une question de Q&A, comme on dit. Peut-être un jour, si on vient des ulama, peut-être un jour, qu'on fasse tous partie des ulama. Mais en attendant, je n'autorise pas les questions. Voilà, c'est une question qui est connue dans l'aqida, ça. Je connais la réponse, mais je la donnerai après, ou alors je la proposerai à Cheikh Falah. Je te dis exactement ce qu'il a dit, Cheikh Falah, ou je te donnerai une référence dans un livre, Inch'Allah. Ça va? Mais c'est une très bonne question. Parce que si tu connais ce point-là, tu vas connaître la position des gens de la Sunna sur cette croyance, sur ce sujet du cours, en fait, aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un cours résumé. Les ulama, comme j'avais dit dans un des cours, ils considèrent Usul Sunna comme un livre, quoi? Mortasar. Et en plus, les ta'liqats de Cheikh Rabi', c'est des ta'liqats qu'il a fait dans une daura en 4 cours. Maintenant, si vous regardez dans les livres plus complets, dans l'aqida ou en tout cas dans les explications plus complètes, vous allez trouver un grand détail vis-à-vis de ça. Et de toute façon, parmi les livres, les nombreux livres que je voudrais faire avec vous un jour, c'est déjà l'aqida Tahawiyya. Il y a une très bonne explication sur le Fawzan notamment, qui est publiée. Et il y a aussi l'Irshad ila Sahih al-I'tiqad, sur le Fawzan lui-même, qui est un livre que lui-même il a écrit. L'Ouassitiya aussi, il y a une très belle explication de Cheikh Saleh Ali Cheikh en 2 volumes, de Cheikh Al-Fawzan aussi, et d'autres machayikh, Cheikh Al-Uthaymeen, à la Koulihal. Donc j'étais arrivé où, rappelez-moi un peu. Oui, on l'a dit, Al-Bukhari numéro 6780. Un croyant sur lequel la peine légale est exécutée et devient mécréant, on a déjà dit. Ils disent que l'exécution de la peine est pour lui une expiation. Puis Cheikh, il continue en disant, de même qu'Allah te bénisse, s'il fornique et que l'appel légal est exécuté sur lui, ce sera pour lui une expiation. Le messager d'Allah a dit au sujet du mécréant, celui qui change de religion, alors tuez-le. Vous voyez la différence? Vous voyez le point qu'il essaie de faire ici? C'est important, si on écoute et qu'on ne comprend pas, c'est pas ça le but du cours. Regardez ce qu'il dit le Cheikh. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit Cheikh Rabi'a ici, je ne l'explique pas moi-même. Il dit, كذلك بارك الله فيك إذا زنى وأقيم عليه الحد فيكون كفارة له والكافر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Il y a pas une différence entre les deux? Entre qui et qui? entre celui qui fait Murtakib al-Kabira de manière générale et le mécréant. Pour Murtakib al-Kabira, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, le zina, on a dit ici, le sariqa, c'est quoi? Al-had. C'est l'appel légal qui doit être exécuté sur lui. Et tandis que celui qui mécroit, c'est quoi? Al-qatl, tu vois? C'est quoi? Il a dit, faqtulu. Cheikh, il dit, faqtikab al-kabairi, min al-zina, wal-qatli, wa sharb al-khamr, wa mashaka la dhalika. Et ça, c'est une réponse à ta question aussi. Hein? Dhalika kabairu azimatun wa shadidatun jidda. وجريمة في نظر الإسلام لكن لا يكفره الإسلام يقام عليه الحد ويعاقبه في الآخرة بهذا الذنب إن لم يعفو عنه بقدر ما يشاء regardez le cheikh la précision بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق لكن لا يخرج عن الإسلام ولابد أن يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار إلى الجنة. C'est pas ta réponse ça, hein? Je pense qu'on a parlé aussi dans le cours passé, le cours pas passé d'avant, qu'on a parlé de, le cours passé, c'est Shafa'a, hein, là, la semaine passée. On a fait Dajjal et on a fait juste avant la Shafa'a, hein? On avait parlé de la Shafa'a, l'intercession concernant les Mouahidine qui seront sortis de l'enfer. On a parlé de ça. Cours précédent. C'est le cours numéro 9 dans la série de cours qu'on a. Aujourd'hui, c'est le 10e. On a un petit peu tiré en longueur. On va terminer cette dernière ligne et on aura fini le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, commettre des grands péchés. Je vous donne la référence du hadith d'avant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du mécréant, celui qui change de religion, alors tuez-le. Et ça revient évidemment à Oulat al-Umur, au gouverneur. Rapporté par le Bukhari 3017. Il dit ensuite, cher Rabbi Hafidahullah, pour conclure ce chapitre, donc commettre des grands péchés comme la fornication et le meurtre et boire de l'alcool, etc., ce sont des grands péchés et des très graves péchés et un crime aux yeux de l'islam. Mais l'islam ne juge pas le mécréant, ne juge pas le mécréant celui qui les commet. La peine légale est exécutée sur lui. Et Allah Azza wa Jal, regardez la précision du shir ici, et Allah Azza wa Jal le punit dans l'au-delà à cause de ce péché s'il ne lui pardonne pas. Parce que la croyance des gens de la Sunna al-Jama'a par rapport à ceux qui font le kabira et qui font pas de tawbah. Ils font pas de tawbah. C'est quoi? Insha'a adabahum adlan minha. C'est Allah veut, il a pas fait de tawbah, j'ai dit, hein. Il a fait une kabira, il a pas fait de tawbah et il est mort sur le tawhid. Qu'est-ce qui se passe alors? Incha'Allah, azzabahu adlan minha. Si Allah veut, il le punit par justice de sa part, subhanahu wa ta'ala, et Allah azzawajal, la perfection de la justice, kamal l'adl, subhanahu wa ta'ala. Wa incha'a, ghafara lahu rahmatan minha. Et si Allah veut, il lui pardonne par miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh est très précis. Il a dit quoi? Il le punit dans l'au-delà à cause de ce péché. S'il ne lui pardonne pas, en fonction de ce qu'Allah, en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il, mérite, c'est celui qui a fait le péché. Mais il ne sort pas de l'islam. Ça, c'est important de comprendre ça. Il est obligatoire que cette personne qui a commis ce péché sorte en raison de son unicité de l'enfer vers le paradis. C'est-à-dire que même s'il est châtié pour son péché, d'accord, parce qu'il le mérite et qu'Allah ne lui a pas pardonné, eh bien, il sera à un moment sorti de l'enfer pour être au paradis. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de Mouahidin. Et d'où l'importance de Tawhid, étudier le Tawhid. Hein? Et évidemment de le mettre en pratique. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Afikum.